Ouais, 400 dinars. Alors, ben dinar environ... instant bini. Warna djégué... Parce que rouba au dinar... Rouba au dinar... Bon, an, bon avant or bi avant mu don yeg moy yeg bu metti bobu non depuis les années 2008 yoy avant lolu 50 euros la won pour dinar moy car côté environ 50 euros la won légui buñu xolé manam ak nimu yegé légui bon buñ ko natalé rek ci nimu daan normalé nga xamné doon won yeg lañ ko nat ci lolu parce que li après arnaque la quoi. Voilà, mais nous avons 50 euros, ce qui fait que dinar est 200 euros. 200 euros, nous avons 400. C'est ce que je veux dire. Madame Niata, c'est ce que je veux dire. 8 000 euros. Non, non, 8 000. Ah, ouais, deux fois, tu as 8 000. Après 4-0, tu as 8 000 euros, moi, Niata, tu as 8 millions. Environ 5 millions côté. Ouais. Parce que 7,62 5000. 7,62 euros moins 5000. Donc ça veut dire 7620 euros moins 5 millions. Voilà. Donc manam kon yow kay yo 4 saxana ci ay 5 millions 500 yo. Tawartal te jamono joju la wa tawartal wa wala jamono joju dafa amul valeur bokut ak legui wa mo ki mom xew mi mom samam xewa li la koy chalé wa na de nga dakhala dug na biha ci mom sanata safatin jurum ñaarelu at bi ginna gadda yu sallam matam ñu genn aduna non soxna ci bil madina ci madina munawara ala sakin afdalu sarto san sanata 44 atu ñeen fuk ñent 44 genn atu radiyallahu anha warḍaha wa ja'ala alifir rasulullah wa ha amin ala kon ñaara ñu déssé inshallah xamna jotay bi ñu ñu yeggal inshallah wallahu ta'ala alam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin